Bonjour ou bonsoir. Voici la lecture d'un texte, d'une interview qui s'intitule « Malentendu, anarchiste autochtone, anarchiste blanc ». Il est paru le 19 novembre 2017 sur le blog de crisp.l'autre.net. Il s'agit d'une interview, d'un enregistrement et d'une traduction faite par Christine Pratt, et la version anglaise a été publiée sur le site Censored News. L'enregistrement et l'interview ont été effectués le 2 octobre 2017, et c'est donc une interview de Andrew Pedro à Kimmel Ohotam. J'espère ne pas écorcher le nom, j'en suis désolée si c'est le cas. Anarchiste autochtone, anarchiste blanc. Les révolutionnaires et les anarchistes, les gens qui se définissent comme anarchistes, ont toujours une mentalité très coloniale. En particulier ici, car beaucoup d'entre eux ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent et comment ça touche les autochtones. C'est en grande partie parce qu'ils n'ont pas de valeurs culturelles, spirituelles ou religieuses. Et ce n'est pas à moi de résoudre le problème. Formulez-le comme vous voulez, nous avons une vision différente. Pour moi, qui me considère anarchiste, l'anarchisme est une couche à la surface de ce que notre mode de vie traditionnel signifie pour nous. Parce que pour moi, l'anarchisme est l'idée d'être libéré de toutes ces formes d'oppression. Et c'est comme ça que nous vivons, et que nous vivions il y a longtemps. D'après ce que j'en sais, en tant que peuple Ohodan, nous étions libres de nous déplacer dans notre territoire. Il y avait les Tohono Ohodan, les Akimel Ohodan, les Yased Ohodan. Mais il n'y avait pas vraiment de frontières. Cela ne voulait pas dire que nous n'étions pas autorisés à aller dans certaines zones pour faire ce que nous avions à y faire, il y avait seulement du respect pour les gens qui y vivaient. Pour moi, beaucoup d'anarchistes blancs, y compris ceux d'origine latino, ce genre d'anarchistes et beaucoup d'autres à Phoenix et dans tout l'Arizona, ne reconnaissent pas vraiment cela. Nous sommes toujours là, nous avons toujours ces valeurs culturelles et spirituelles, mais pour eux, c'est un obstacle. Il voit surtout le fait que ce n'est pas de l'athéisme. Je n'ai pas de problème avec l'athéisme, mais c'est leur choix. Et nous, Ohodam, n'imposons pas nos croyances à qui que ce soit. Nous n'obligeons pas les gens à les comprendre. Parce qu'elles sont seulement pour les Ohodam. C'est comme certains lieux où nous allons, certaines de nos cérémonies, dont nous ne parlons même pas aux autres tribus, parce que c'est pour nous, les Ohodam. Et je suis sûre que c'est la même chose pour les autres tribus. Les Ohodam ont toujours été très ouverts aux autres peuples. Certains disent que si nous avons tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour avoir été amicaux avec les autres peuples, avec la chrétienté elle-même, avec les Blancs, avec les Espagnols. Cette bonté a toujours existé et nous a amenés à la situation où nous sommes maintenant. Je crois que c'est grâce à la foi solide et aux fortes valeurs culturelles que nous avions. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en vie. Il y a eu des temps où les Ohodam se sont révoltés contre l'Église et ont brûlé toutes les églises. Des choses comme ça ont eu lieu. Personne ne s'en souvient vraiment. Et les anarchistes étant presque totalement athées, et leurs croyances et leurs valeurs étant très intrinsèques, ils voient n'importe quelle religion comme oppressive. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'abord, les autochtones et l'anarchisme sont des idées très nouvelles. Pour nous, nous sommes des autochtones. Et je pense qu'également, ceux qui se définissent comme anarchistes du point de vue politique voient l'indigénéité comme venant toujours d'abord. Pour moi, l'anarchisme est la couche supérieure, le niveau de surface de ce que Imad, mode de vie traditionnel, signifie pour moi. Je crois que c'est Himdag. Parce que toutes ces choses se recoupent. Nos idées et nos façons de faire les choses se recoupent dans différentes cultures, de différentes manières. Ce que je ressens, la société Odam, comment elle m'a été expliquée, les temps passés et le monde tel qu'il est maintenant, tout cela est similaire à ce que l'anarchisme veut être, mais il n'y est pas encore tout à fait. Spécialement dans la façon dont l'anarchisme fonctionne, ces lieux où ils vont, qui n'autorisent pas les objets religieux, et d'autres choses comme ça. Ils ne veulent pas vraiment discuter de ce que ça signifie pour certains peuples. À beaucoup d'égards, il y a une perte. Il y a une perte parce qu'au départ, ils ne sont pas chez eux, ici. Ils n'ont pas de connexion avec la terre, ils n'ont pas de connexion avec toutes ces choses. Mon plus grand espoir pour les anarchistes blancs, surtout en Arizona, c'est qu'ils comprennent qu'ils peuvent nous aider dans les luttes autochtones, mais ça n'a pas à être au sens spirituel. Ils n'ont pas besoin de comprendre le caractère sacré de ce que Moadag, Doag, la montagne du sud, signifie pour nous. Il y a le capitalisme, allez le combattre, allez combattre ce que vous connaissez. Ils n'ont pas besoin de comprendre ce que ça signifie pour nous parce que ces enseignements sont pour nous, pour certains groupes de gens. Et ce n'est pas la même chose qu'être ouvert ou repousser les gens. Ça fait des centaines d'années, certains disent des milliers, que nous avons suivi ces idées et cette culture et nous les suivons toujours. Tandis que les gens, les ancêtres, appelez-les comme vous voulez, de ces anarchistes blancs ne viennent probablement pas même d'Arizona, si on remonte à quelques générations. Mais nous, nous avons toujours été ici. Donc nous avons ces connexions et une compréhension plus profonde de ce que ça signifie, de ce que ce désert signifie pour nous. La vie de toutes ces plantes, tous ces animaux, ça signifie quelque chose pour nous. Et ils n'ont pas ça. Et ils ne savent pas quoi penser parce qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup de problèmes autochtones, le colonialisme en est à la base, font partie de ce qui pousse ces anarchistes blancs à se battre au départ. Le capitalisme en est une des racines principales. Et si vous ne combattez pas vraiment les deux, qu'êtes-vous en train de faire ? Vous n'aidez personne, en fait. Vous allez avoir un comportement colonial vis-à-vis de ces combats. Et vous ne penserez pas aux autochtones. Je ne veux pas d'un sauveur blanc pour sauver la mise. Et je ne vais pas rester là à tenir la main d'un anarchiste blanc pour leur montrer la voie de tout le temps. Ils doivent juste comprendre que certaines choses sont pour eux et d'autres ne le sont pas. Et il n'y a rien de mal à ça. Souvent, les anarchistes blancs se sentent floués quand nous leur disons « Nous n'allons pas participer parce que nous avons nos vies, nous avons un tout autre monde dont nous devons nous occuper. La réserve est un autre monde, ça ne va pas si vite, on y fait les choses différemment, ce sont des valeurs culturelles différentes qui y ont cours. » Même si les gens n'ont pas de culture particulière, ils ne peuvent pas avoir la compréhension de tout ce qui est différent. La façon dont nous analysons les choses dans notre tête n'est pas la même que celle des gens des villes. Ainsi, c'est assez difficile d'avoir des conversations utiles avec beaucoup d'anarchistes blancs parce qu'ils sont coincés dans leur monde, dans le genre « J'ai raison. et c'est en quelque sorte une mentalité coloniale. Ces gens ne savent pas de quoi on parle, ils ne vivent pas ici. Cependant, c'est notre territoire. Par le passé, il y a environ 5 ans, nous avons eu pas mal de problèmes avec un nouveau groupe anarchiste. Ils venaient plus ou moins du mouvement Occupy. Ils sont toujours très de gauche dans leur façon de s'organiser et ils s'allient souvent au groupe de gauche de Phoenix. Je suppose que ce n'est pas vraiment compris, peut-être même pas par eux, peut-être qu'ils ne savent pas bien ce qu'anarchisme veut dire pour eux. Ce qui cause encore plus de problèmes, de ne pas savoir ce qu'on fait ni pourquoi on le fait. Même certains groupes antifa maintenant commencent à faire la même chose, et ne sont donc pas très ouverts envers les autochtones. Ils sont mal à l'aise, parce qu'ils nous voient d'une manière très blanche. Il y a eu un groupe, qui n'existe plus vraiment maintenant, qui se définissait comme anarchiste, ouvrez les guillemets, combattons le capitalisme, combattons ceci, cela. Mais ce n'était que des mots. Le plus grand projet capitaliste d'Arizona, c'est le périphérique 202, le Sun Corridor. Et personne ne sait de quoi on parle quand on essaye de parler avec eux. C'est une partie du problème. Ils devraient d'eux-mêmes apprendre ce qui se passe dans la région où ils habitent et savoir qu'il y a une connexion avec les autochtones. Mais pour cela, il n'est pas nécessaire de comprendre complètement qu'il y a des choses sacrées qu'il faut une vie entière pour comprendre, que cela prend toute la vie, et que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer simplement dans une vidéo ou dans un email. Ces choses prennent toute notre vie et une connaissance complète de ce qui arrive. En ce qui les concerne, nous disons qu'ils ne comprendront pas à cause de ce qu'ils sont. Ce sont des Blancs, ce sont des Latinos. Ils ne le comprendront pas comme nous, nous le comprenons. Ces choses les touchent différemment de nous, parce que nous avons la ferme croyance que ça ira bien pour nous, en fin de compte. Même si dans 20 ans, et j'espère que cela n'arrivera pas, mais dans 20 ans, si ces autoroutes sont là, certains d'entre nous seront toujours en vie et pratiqueront notre culture, et nous les ferons payer d'une façon ou d'une autre. Avec les anarchistes, ce n'est pas comme cela. Je vois souvent l'anarchisme blanc comme une histoire de victoire à très court terme. C'est intrinsèque à leur croyance qu'ils peuvent tenir l'espace. Mais qu'est-ce que cela veut dire, tenir l'espace en territoire occupé? Avoir une librairie anar quelque part, si vous ne reconnaissez pas les autochtones, pour moi c'est colonial. C'est une partie du problème. Je pense que si vous êtes anarchiste, si vous êtes anticapitaliste dans tous les sens du terme, antifasciste, etc., mais si vous n'avez pas une position politique anticoloniale, vous ne valez pas mieux que n'importe quel autre. Voilà, c'était la parole de Andrew Predro, qui est un Akimel Oodham, et j'espère vraiment sincèrement ne pas avoir trop écorché les noms présents dans ce texte. Et merci à lui pour ce texte qui fait beaucoup réfléchir. À retrouver donc sur le blog de crisp.l'autre.net, crisp.l'autre.net. À très bientôt. Au revoir.